Quanti coin, Rocha, Pasco, Mariana e poi Filippo Tuna. Nani o che li mawago, nana leye, natu nana nani o, anise e pedro, sozo e la musaka se bato ya bwanya. De tous les jours, oh, Roger Makambo, l'enfant propre. Bangwam Bongo, Risco à Toulouka, à Paris. Nami yo ke li mawa o, ngana leye, na tu ngana nani o, anise Pedro. C'est mon cœur, Pedro, mon amour, l'amour que j'espère de tous les jours. Faut m'attendre, tu t'en sors, mon âme pour tout. Doudouki. I'm Yeah.